Oui, bonjour, bonsoir, mes chers amis. Et je pense que vous allez madame. Donc, je disais que je pense que vous allez bien. Nakosenga nabino soki moyen zali bo tagué batu mususu. Et batu oyo bazali na Facebook bokoki ko relayer direct na ba page nabino Facebook. Na moment où tous on a besoin y a large diffusion. Large diffusion pour que le peuple Nabisso va comprendre qu'est-ce qui se passe. Excusez-moi. Pour que le peuple Nabisso va comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Beaucoup y est que il faut le banakaba vérité. Le peuple congolais azali exceptionnel par rapport à ba peuple mususu na monde. C'est-à-dire que tozali batu moko o ezali pour na survie na biso to comprenaka yango te. Peuple congolais a comprenaka o ezali fitule à comprenaka. Peuple congolais, ceux qui balobi par exemple Moutakala ya moutou moko babimisi yango na vidéo. Peuple congolais azo se poumoné avant que de moussala ou bien avant lala. Il faut kakaba pesaye azo vidéo wana Moutakala wana. Mais ce qui va lobby, peuple congolais, ba outi ko boma, ndeko na yo congolais, na minembwe, ça, ce n'est pas le problème ya congolais. Et bon, avant tout, banda, les solo na biso ya sikoyo, peut-être moi du verre mouke, tout banda nango. Nazali surpris ya ko mona vidéo moko ya une dame qui serait directrice na Sonas. Boyebi ke Sonas ezali Société Nationale d'Assurance na mboka na biso ezali une société publique. Nayebi société wana très bien. Parce que j'ai travaillé mémoire Nangaï, dissertation Nangaï, il y a licence sur cette Société nationale d'assurance. Société soki o sali accident camion na yo e sali accident ou bien batu ti ndeko na yo ou bien ndako eziki ozali na assurance incendie po Sonas a indemnisé yo, c'est un problème, c'est un calvaire. E bele bakufa batikala kozwa mbongo na bango na Sonas te. E mbongo yango soki ozwi la Sonas vous indemnise na ka ya batu o bakufaka. Bazo indemniser famille na bango na montant moko okoyiko somba même deux sacs ya fufuté. On vous impose ozwa indemnisation wana. Et quand vous voyez mon travail de licence, quand j'ai travaillé sur cette Société nationale d'assurance, j'avais proposé qu'il y ait des sociétés privées. Il faut privatiser la Société nationale d'assurance. Parce qu'au fait, parce qu'ils allient Yango Moko, monopole Bango Moko, et ils imposent aux victimes montant et indemnisation. Alors, je disais donc, j'ai vu la vidéo de cette dame qui est directrice de la Société nationale d'assurance, qui fait la publicité ou bien propagande de la société en disant ceci, que société assurance Ezali vie, assurance Ezali lokola ba chrétien lokola Jésus. Si vous avez l'assurance, vous pouvez tuer, vous pouvez cogner, soyez sûr, soyez calme parce que l'assurance est là. Voyez-vous une compagnie d'assurance nationale qui fait une publicité demandant aux gens de s'assurer et avoir le permis de tuer, de cogner. Madame Oyo Balobi, elle est directrice à la Société nationale d'assurance. Elle ne maîtrise même pas que signifie assurance. La vidéo est là. Si vous passez sur ma page Facebook, la vidéo est là. C'est-à-dire que assurez-vous, vous allez avoir droit au boma, vous allez avoir droit au cogné, vous allez avoir bangaté. Vous conduisez sans peur. Parce que vous avez votre assurance, vous pouvez tuer. Vous pouvez cogner. Voilà la publicité d'une société nationale d'assurance. Et ça, ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Notre pays, il y a vraiment des problèmes sérieux. Il y a des problèmes sérieux. Je me demande, Nathan Otoko, Toko construire ce pays ici, il faut to bandana nini. Parce que tout est à recommencer dans ce pays. Tout est allé à recommencer. Non, je ne vous mens pas. Bo fingangate, s'il vous plaît. La vidéo est là. Bo passez na Facebook nangai, vidéo est allé na tché. Na outu ko tchango, il y a quelques, je pense, 10 minutes. La vidéo est là. La dame est là, le nom est là. Azo sa la propagande, il y a assurance. Alors, vous m'insultez pourquoi? Ezana aden. Kofinga, mabina eutana, lola, kofinga eutana. Euta e pana bango. Donc, boyebi kaka, boyebi banani, de qui je parle. Alors, eloko ami balé avant tout le cas, na ce qu'on a prévu ya muketo sur la lelo. Hier, je fais une vidéo où je répondais à un monsieur de l'UDPS et na lobaki que na senga ki droit de réponse na chaîne YouTube télé Changu. Et na lingi ba confusion te na lobaki très bien que moi-même j'ignorais que il y avait un télé Changu à Kinshasa. Moi ce que je sais, télé Changu Oyo Ezali qui émet à partir de Bruxelles chez mon jeune frère Fabio Kosonika. Na tikali koye bate que ezalaka na télé Changu mususu à partir à Kinshasa, na yebi yangote. Et quand vous voyez message na tindela ki madame wana, parce que c'est cette dame ya télé Changu Kinshasa qui a reçu monsieur Norbert Yamba Yamba na luki numéro ya WhatsApp na bango na tindi. Et d'abord na tunaki, est-ce que ezali télé tchangu de Fabio Koswanika, ou bien ezali télé tchangu mususu, vous utilisez télé tchangu à partir de Kinshasa. Alors, la dame me répond, oui, ezali télé tchangu qui appartient à Fabio Koswanika, mais ou ezali section Kinshasa. Et comme ça qu'il y a d'abord, que Ndenge na ebeli, monsieur Fabio Koswanika, je ne m'attendais pas que je peux rencontrer une vidéo où un garde l'UDPS peut passer na télé Tchangou pour na ko dénigrer Batou. Bon, je pense que na ko yiko condamné yangote, ezali libre expression, je connais monsieur Fabio Koswanika. Monsieur Fabio Koswanika n'est pas un un dictateur. Je pense que soit Fungula qui chaîne wana na Kinshasa libre na bango basala nyonso oyo balingi dans les normes il y a journalisme. Mais je regrettais quelque chose. Excusez ngai bolanda conversation na ngai avec cette dame. Premier contact na komi na WhatsApp. Bonjour monsieur madame. Na uti kolanda vidéo oyo bosali na monsieur Norbert Yamba qui m'a cité na badire na ye et Nazana intention, ce qui moyen isali, bo accorder ngai droit de réponse. Na komi na zeli une journée, na zui réponse te. Mais j'ai parlé na batumusu sou bazana Kinshasa ou bazana ba chaîne ya YouTube. Parmi batu batidle nga video wana moko personne ka ba video ya YouTube na Kinshasa. Aibi singa prof so sengi droit de réponse na batu ya télé tchangu Kinshasa. Chez nous ici, il faut payer, il faut qu'on fouta. So qu'on foutite ya ko répondre yote. Alors, na tindi message moussousou. Na lobi, salut monsieur, madame. Ba yebi singa, il semblerait qu'à Kinshasa pour passer na chaîne, même na droit de réponse, il faut payer. Est-ce qu'on peut dire bisangai, il faut payer combien et ndenge nini? Automatiquement, un message qui répond, c'est yé. Oui, il faut qu'on foute $300 pour na droit de réponse. Bon, la dangai, pour confusion, ils ont pour na bandi kozoba message. Vous voyez que le Congo, le Congolais, tous les roi, il y a une incompréhension. Alors, oui, droit de réponse, il faut qu'on foute $300. Na tindé le message, na lobi bon, na ndimi, na foute $300. Et na okende plus parce que na droit de réponse na ngai. Na lingi kome mabatu, na kati. C'est-à-dire, ce qui bolingi, bozoangai na live, boye, et batumususu na Kinshasa, bazali, ba Congolais, une femme, toloba deux femmes, un monsieur, na mwana moko ya 4 ans, 5 ans. Pourquoi batouana? Parce que na lingi ko lakisa. Na monsieur Norbert Yamba que azali moins sérieux na ko lo baboyete ba preuve fo ezala et mutu mususu na kati wana un coréen o azali représentant d'une société d'une compagnie ya ba coréen na Congo il a accepté ayebisa monsieur Yamba a partir ya mboka Korea yebi nga ndenge nini parce que to tangisa mwana na ye après lobby na tango na leki na live nangai, je répondis et pas inangai. Mais na lobaki comme j'ai un rendez-vous na batu ya télé changu, na ko répondre parce que monsieur Yamba Yamba est passé par télé changu, il faut na répondre par canal oyaye laki. Tango na silisi live lobby. Ko silisa na silisi na zui appel ya numéro oyo ya télé changu Kinshasa. La dame me dit bon pour na d'abord j'avais demandé que réponse nangai batwana bakoya na Congo bazala na hôtel na biso na pesa ki adresse hôtel te et pa ya télé changu na lobaki so to yokani oroleka na réception ba pesi bino mbongo $300 à droit de réponse plus $200 au ngai moko na linga ki na pesa bango pona transport. Na yebi très bien ki biloko to sala ka ba video oyo, c'est juste téléphone mais télé chango ba yebisa nga ba ta technique, il faut ba ya ba ya na ba appareil ba tcha, mais y a pas d'appareil, ils a juste téléphone. Mais ton di makaka na ko pesa bino nga moko na proposa ki, ils m'ont pas demandé ça. Nga moko na proposa ki, je vais vous donner na repèse abino $200 pour la transport. La dame m'appelle hier, juste hier na silisi live na nga lobby. Bola na nga bien pardon. Et ça je voudrais na luka na zo luka moyen na kutala na Fabio Kusonika na yebisaye a mec un peu au revoir parce que ce qui azali na télé changu na Kinshasa bato il faut acha na télé changu na Kinshasa il faut ba refléter yé. Monsieur Fabien Koswanika n'est pas n'importe qui. Azali Moutou akei na classe pour na journalisme. Alors, batou oya kotia na Kinshasa. Oyo bazo représente ye, il faut baza la quand même na qualité. Bola nanga, très bien, soki na zali na erreur, boye bisanga ke no, prof, sika wana, yo moutou za la faute. Madame Abengi ngai, alobi nangai, bon, pour na droit de réponse, oyo sengaki tondimaki et olingi droit de réponse na point nini. Journaliste, hein, qui me demande, na komelie, oyambi monsieur Norbert Yamayamba, a cité ngai, na lingi na sala droit de réponse, parce qu'il m'a cité. Mais la personne oyambi Norbert Yamayamba revient à zo tout na ngai. Olingi droit de réponse na point nini. Mais chez madame, est-ce que vous maîtrisez émission na yo salaki na yamba yamba? Bandeko, je vous dis ce que ngai na lobaki na madame wana et ce que madame wana yebisinga. Na yebisi na tuni madame, ndenge nous autres nga question oyo. Est-ce que vous maîtrisez émission oyo salaki na monsieur Norbert? La réponse de cette dame Monsieur, okoki ko dikte nga makambo nga na koko na koyi ko sala te. Ozali arrogant. Nazo tuna yo yebisa ngai droit de réponse na yo e kozala na point nini pona bongisa mission. D'abord, na kati mission wana to sita ki kombo na yo te. Bandeko batu oyo balanda ki video wana ba yoka ki monsieur Yamba Yamba alobi boy. Batu ya diaspora nazo comprendre bangote. Par exemple, un monsieur qui s'est fait passer comme professeur ou avandi na mboka Kore, et pourtant azali professeur te, ce qui olandi raisonnement na ye, azali professeur te, et ce qui nazala kana bana na université o ya tangisaka, na longde na longoli bango. Et la dame demande à monsieur, parce que monsieur Yamba Yamba na tango a lobi boya sita ki kombo na ngate. Madame a tounie, sita kombo na ye. Monsieur Yamba Yamba a lobi, kombo na ye, yombi. Voilà pourquoi na touni madame wana. Madame, est-ce que yom to sala ki émission na monsieur Yamba Yamba? Oui, ezalingai. Mais comment ozo maîtriser émission sala ki na yete? Et pourtant na relancé yo. Na message na tindaki, na lingi kosa la droit de réponse sur base ya ko cité monsieur Norbert a cité kingai. Madame Oyo aye ko répondre ngai, monsieur okoyi ko lakisanga journalisme te. Je n'ai pas compris cette dame. Natouniye madame un peu du respect na considération. Nazo la kisayo journalisme te. Mais ça m'étonne. Autour nanga ba question ana et pourtant yo muto sala ki émission na yamba yamba. Mais ozo ye ba yangote ozo tun ozo sangai que na to sita ki kombo na yote et pourtant tout le monde a suivi ce monsieur m'a cité. Yo moko ko to tuni apesa kombo apesi yo pe kombo. Alors cette dame me dira bon émission bisotolingi ekozala na audio tinde la biso ba photo na yo ya droit de réponse et tokobenga yo ekozala na audio batu oyo lingi baya na émission wana bakoyate. Ah bon na lobi pona ni na audio na lingi na leka na video batu wana baya pour que batuba mona mese yamba yamba amona batuwana ayoka madame oye moto monsieur ozali arrogant ozo imposer biso makamba ko sala o eza television na biso biso batoroye biso yo makamba ko sala batuwana bakoyate soko lingi ba preuve ya batuwana yakana mikanda ya ba preuve ya batuwana me batuwana bakoyate. Je demande à cette dame pourquoi bakoyate. Réponse exacte, alobi nazo imposé ye, nazo la kisaye journalisme. Bon, problème exacte, je lui ai répondu na souka, alors si c'est comme ça, na woyate. Parce que ce qui na ye na audio, ba preuve na ye na mona ba papier, mais c'est yamba yamba koya, akoye bisabino ke, ba papier na salisi ye moko, pourquoi pas batouana, ou balini ko témoigner sur le sérieux de monsieur yamba yamba, ba zala na plateau. Ngai nazala na plateau na ligne to solo la yango c'est tout difficulté ezali wapi ah c'est une imposition ozo la kisabiso ndenga ko sala musala biso to sala ka ndenga wana bon peut-être ezali ba principe ba loi interne ya télé Tchangou. Je lui ai dit ouvertement na lui bon ça va je vais en parler avec Fabien na kati ce que j'ai compris. Cette dame a des relations avec M. Norbert Yamba Yamba. Parce qu'une personne au Azali, membre était Ndeko, il y a membre Moko Atele Tchangou, me l'a dit. Prof, moi si wana akosala jamais que biloko yo lobby a lobayango pour M. Norbert Yamba Yamba, il y a une relation entre elles. Nayeko Luka, ayeb singa soko ninko mona. Comment expliquer mutu ya IDPS? Bota la kaka ndenge ba finga ka Fabien Kuswanika. Mutu ya IDPS, bota la ndenge ba finga Fabien Kuswanika. Mais cette personne, M. Norbert Azali, n'a accès libre na télé Tchango. Alors, ce n'est pas un problème. Je vais en discuter avec mon frère Fabien Kuswanika. Pour na ko, peut-être ko proposer ba conseil na biso. Que batu o ifo atcha et sika nyonso, il faut ba refléter. Sinon, ça pose problème. Voilà. Merci pour la mise au point wana. Donc, droit de réponse na télé Tchango, ike levé. Exacté. Et heureusement, j'ai répondu na canal Nangamoko. Et batu o ba yebi norbe yamba yamba batinde la ye vidéo wana. Voilà. Tokende na Congo. Lelo, tokolobe la wapwe mike, yaliboso ba prêtre catholique, la Senko. La Senko ba bimi, pou ba pe sa point de vue na bango, ba pe sa ba recommandation na bango, sur situation ya mboka na biso ndenge zali koleka. Directement na tango Senko babimi tomoni présidence de la République. Service, il y a communication, il y a présidence de la République. Baye ko allumé la Cinco. Pourquoi? Parce que Cinco balobi 2023, élection, il faut ezala. Président de la République, ba moni yango mabe. Parce que Cinco balobi, élection, il faut ezala. Ba démocrate, hein? Oyo azali na tête, na président de la République, azali démocrate, semble-t-il. Ezali batou ya état de droit. Ezali batou ba lité pour na démocratie pendant 37 ans. Papa Yamoutou aza président azali père de la démocratie. Président Nabino abotami na démocratie, akoli na démocratie. Na kati na bango, quand même, parce que babane kolité na démocratie, donc démocratie, il faut ezala na kati na bango. Mais voilà un président né dans la démocratie, fils d'un père de la démocratie, Yambo Kanabiso, soki ezali na yebite. Oyo azali ko trembloté parce que le prêtre catholique ont exigé qu'il y en a 2023 et l'élection il faut salema. Président c'est yema be yendongo. Ba ramasser église catholique ba prêtre. D'une façon officielle. Ba ye ko refiter ba dire ya ba sango et ba sango ba koyi ko lobela élection te. Parce que comme vous le savez, Félix azali ko se préparé na glissement. Ça c'est vrai. Preuve ezali nini? Mutu moko ya Félix, soit na présidence, soit na gouvernement, soit ba milouvor, soit na i de pes. Abima awaye bisabiso, l'élection se prépare le long ya mandat na yondenge ozali ko kende. Ane ya liboso, mwa ya liboso, natango bozali ko rekolte ba mbongo po na peyi. Bozali ko longola une partie o ezali pourcentage bien déterminé. Boza ko tcha yango pembe ni po na ba élection dans 5 ans ya manda na yo. Est-ce que mutu moko ya Félix a koyi ko yebisa biso siko yo? Banda Félix a bandi 2 ans yango yo. Ba longo ni mbongo kombye po na élection ya 2023. Aucun franc. Alors, est-ce que Moutou a zan intention a kene de élection bi a zan intention na ngote? E koko mana 2023, mbongo ezate. Mais pourtant la loi dit, na manda na yo ndenge ozali ko kende banda ane zero, bozali ko épargner mbongo po na élection na date oyo prévue par la loi ya mandat na yo. 2 ans yango yo Félix alongoli ata 1 centime te po na ba élection. Est-ce que Moutou azali ko préparer glissement te? Il va poser un problème d'argent mbongo ezate. Ndongo wana ekoti entre bango na basango. Point de vue nanga ezali na deux directions. Direction ya liboso basango na biso. Église catholique. Beglise msou ezali protestante na beglise msou ezali, mais je parle de l'église catholique parce que bango nde batou ba ye na communiqué wana. Bande kona biso ba Congolais. Soki botali ba crise nyonso ya mboka na biso, Église catholique azalaka na kati. Soi-disant, ba ye na kati, po ba luka, ba pousse ba Congolais, ba zwa solution. Ben l'élection oye salemi, élection ya 2006, Église catholique azalaki na kati. Élection à 2011, Église catholique azalaki na kati. Élection à 2018, Église catholique azalaki na kati. Mes chers amis, ceux qui botali l'élection oyo nyonso 2006, 2011, 2018, Église catholique azalaki na kati. Pona kotia pression élection et le kanandenge et longobani. Mais l'Église catholique à tout moment s'arrête au milieu jusqu'à la fin. Au finish, boya ko remarqué que l'Église catholique cède à ce que le pouvoir en place à Lingi. Donc, l'entendement d'Angaï et l'Inkolobake, l'Église catholique bazali réellement ko accompagner peuple congolais jusqu'à la fin, bazo résultat escompté. Baya kakaka boye, bakoya na ba brouille, élection ele kaboye, tolingi boye, recommandation boye. Mais Église catholique bazali ko accompagner peuple té. Par exemple, l'action il y a le 16 février, boye bi yango ba chrétien. Mingi ezalaki Église catholique, Loko la mobutu alini ko sale loko yote, bisonyon so nanzela, bisonyon so boy. Église catholique pona be élection, bazali ko ya, bako tia pression na mikanda, na maloba. Ils savent très bien que bato oyo bazali na pouvoir. Bako cede na maloba, parce que nous en Afrique, on n'a pas cette culture ya maloba, on n'a pas cette culture ya mikanda ya kokoma. Bamboka mususu bisika to vandi, quand l'opposition, quand une église veut contester, ils peuvent écrire gouvernement et kolenga, solution et koya. Mais chez nous, au Congo, particulièrement en Afrique, particulièrement au Congo, les Congolais tous la culture wana te. Félix a koyi kolenga na mukanda te ba komela ye mukanda Félix alenga. Jamais. Kabila koyi kolenga te soyi ba komela Kabila alenga. Jamais. Chez nous, ezali pression physique. Mais Église catholique, ce qui est talibien position na bango na 2016, ba bandi kaka boye, tolingi boye, recommandation, ba rencontre, au finish, ba cede pa Kabila. Peuple congolais abandonné na yemoko. Bemba ayeko revendiqué guerre, moutoua famille moko a Bemba koufa kite, moutoua famille moko a Kabila koufa kite, peuple congolais moutoua koufa kite. Na 2011, ndenge moko, Église catholique a yé, pression, maloba, semblant. Au finish, batiki, le peuple abandonné, Kabila, a yé kozo pouvoir na yé, et l'escroc d'Étienne Tshisekedi, a yé kwa embarqué peuple congolais, n'escroquerie, ya imperium. Gouvernement a escroqué peuple, et tiens, tu sais qu'il peut a escroqué les sous-peuples. Na 2018, ndenge moko. Ba catholique, ba yé, pression, le peuple a abandonné. Kabila nous impose un mongol. L'église catholique cède la pression. Le mongol est là. Voilà l'église catholique qui revient. Même stratégie. Au finish, bakotika peuple congolais, les Mongols sera glissé. Élection au Salemate. Est-ce que peuple catholique a yébi comportement sociologique yaba politicien congolais? Pourquoi l'Église catholique ne change pas stratégie na yé? Toujours biloko aboui. Peuple azali abandonné. Wana ezali direction ya liboso pour l'église catholique. Direction ya mibale. Ezali ba réforme au église catholique azali ko senga. Mes chers amis congolais, soki botali ba ndeko o bazali na Facebook nangai, ya une photo na utai ko tchaka la mingi te, boza ko mona ke tozali un groupe de professeurs. Ngai, un professeur au Azali, professeur na science politique ya Peking Université na Hong Kong. Tozali na professeur mususu atangisaka na université ya Malaisie. Tozali na ami mususu tozali professeur atangisaka na université na Singapour. Tozali na mususu azali professeur na Australie. Groupe na biso wana, nous assistons ba organisation, ba pays sur ba réforme institutionnelle. Ce qui bomoni na photo wana ce qui botali, ezali une photo auto salaki symposium sur ba réforme institutionnelle na justice criminelle. Na kota kuna na mawate, j'ai été invité na groupe wana pour na kwa assister ba pays asiatique na réforme institutionnelle na justice criminelle. Na zali kuna en qualité na ngai ya politologue spécialisé na droit de l'homme. Comment faut-il qu'on réforme ma institution en gardant la culture y a droit de l'homme? Na koyi ko pesa ba exemple to leka ba pays ebele to salisa to leka na Taïwan, on a réformé l'institution à Taïwan. Yango bomoni Taïwan ezali Chine mais bazali autonome. Taïwan indépendamment ya volonté ya Chine. Taïwan azali ko accepter ba réfugié. Taïwan azali ko accepter ba homosexuel. Taïwan azali ko accepter ba tunyoso oyo la Chine azali ko opprimer. Tokenda ba mboke belé, ce n'est pas l'objet ya live na biso. Na kaya Congo, condition ni toko yiko reforme ba institution na biso. Na yoki Église catholique bazali ko senga yango. Fayulu la demande. Mais l'Église catholique Fayulu ou bien bato mususu wana bazali ko ignore que le Congo ezali pays ou ezali occupé militairement, politiquement. Congo ezali occupé militairement et politiquement. Oyo ezali condition ya liboso pour na ko penser sur ba réforme institutionnelle soit na justice criminelle. Il faut d'abord commencer par libérer le pays na occupation oyo. Sinon conséquence ezali nini? Supposons lelo soit okay ko réformer ba institution na biso. Ba nani bazali na ba institution na biso? Armée na biso ezali na plus de 600 généraux. Ba officiers gradés na armée na biso. Majorité na bango ce sont des Rwandais ou des Congolais d'origine rwandaise. Bango ba bazali ko dominer armée na biso. Toyebi très bien ba vision, ba intention ya Rwanda par rapport ya mboka na biso. Vous allez réformer les institutions, tout soit par exemple armée. Bo engager ko réformer yango, identifier nos militaires, ko mapper ba militaire na biso. Avec ces officiers rwandais, ou deux officiers d'origine rwandaise, congolais d'origine rwandaise, oyo bazali ko supporter à tout moment vision ya Paul Kagame, o réformer armée ya Congo, bango na kati. Parce que qui vont vous donner les éléments de réforme de l'armée? N'est-ce pas ces officiers? Alors, réforme institutionnelle et bandaka d'abord par ko assainir ko yeba est-ce que tozali biso na kati ya ndako ezali na kati ya lokola na kati ya famille n'expliquer bandeko o bayebi notion na te ya réforme institutionnelle ezali lokola na kati ya famille papa azali mama azali bana bazali Bolobi non façon famille na biso ezo avancé ezo ke na ndenga malamu te to vanda to solola to changer quand même moi ba makambo ebele musala ya mama to lo ba mama azali une institution papa azali une institution bana bazali une institution ndenge to zali ko tambula to zo yoka na malamu te mboka ezo marché te alors to vanda To réformer famille na biso na ndenge que voilà papa zali ko kengo sala musala mama azotikala na ndako mais mama po asomba liputa na ye alata il faut aya ko bonde la papa papa sombelanga liputa mama po asomba même moi chikre na ye amela papa ozali na moi 1000 francs te na somba chikre Ça signifie quoi? Batu oyo ba papa o bazali ko sala, azali ko pesa mbongo ko lia, il pense que la femme azali na droit na mbongo ya salaire na yete. Et sika papa bomba ka mbongo, mama yebite. Alors, to reformer famille na biso na sens que musala ya mama na ndako il faut ezala pe rémunérer. Parce que ce que la maman fait na tongo à lamuki, à saliti po na bana, po na papa kene musala, à bongisi bana, à sukoli bango, à lati bango uniforme, à keko tika bango na classe, à leki na wenze, à sali wenze, à yeko zonga, à komboli ndaku, à pangosi ndaku, à sukoli bilamba, à bandiko lamba, à zui bilamba papa, à repasse yango, ya bana, à repasse, douze rebeti, à keko zwa bana, à yeko zonga sa bango na ndaku, à lambeli bango bale, papa li niko lia, mama lambi po na papa, papa aye ale. Na pokwa, abongisi bana balala, aide bana pona ba devoir. Na butu pe papa, mama vient pe. Parce que, ma vidéo nanga la sala ango pona bana te. Na butu pe mama vient pe. Est-ce que mi sala wana ya ba mama, et que vous la rémunérer te? C'est ce que nous pensons. Na tango tozali ko zwa mboka oyo. Misala ya ba mama il faut ezala rémunérer. Ça ne signifie pas que mama soki avayi na ndako ke azali na droit ya salaire te. Parce que mama zo kobima libanda ko sala musala te. Olobi mama vanda na ndako ngai nazali ko sala. Mbongo yo zali ko zwa salaire. Déterminer na kati ya salaire na yo un salaire pour la mama na ndako. Ba mama papa o azali ko kene na classe po atanga. Mama vandi na ndako. Papa uti musala. Aleki na klasi wa papa ibele bakenda bakur di swa. Monsieur, diplôme oyo zui. Diplôme wana ne vous appartient pas yomoko. Diplôme wana appartient na mama. Diplôme wana yo appartient na bana. Après klasi na yo, musala na yo zui. Diplôme wana ezali, kombo ezali ya yo, mais ce diplôme appartient à la famille. Parce que la famille a contribué pour ce diplôme, ça doit être rémunéré. Bozomo na sens ya réforme institutionnelle, tozwanda ko lokola ezali ba institution ya pays. Alors bana oyo bakoli babandi ko sala misala, mais bazovana na ndako ba parents. Famille na biso to lo babon, mwana na mwana salaire ozali kozwa, il faut ko contribuer na caisse sociale ya famille na salaire na yo chaque mois il faut ko longola moi $50 $100 ko tia na caisse sociale ya famille ezali idée nazali ko pesa pour na réforme ya ba famille parce que ndeke tozali ko kende papa na salaire na ye il croit que salaire na ye ezaya ye moko bana po apesa bana il faut ba bonde la po apesa mama il faut ba bonde la mama za na droite donc lokola ezali mbongo na ye moko non eza mbongo na ye moko te Ba pays na biso ezali ko abiser ba mama na biso. Donc il faut penser un jour na rémunération ya misala ya ba mama na ndako. Na koyi ko leka un jour pour na expliquer yango comment est-ce que esalemaka. Alors, Basango Basengi réforme institutionnelle. Fayou la lobby réforme institutionnelle. Mes chers amis, réforme institutionnelle Oyotoko Salayango, dans un pays qui est occupé politiquement, dans un pays qui est occupé militairement, ou bien na pays ni toko sala réforme. Banani bako aide biso poto sala ba réforme wana. Kaka ba paya oyo bazali ko diriger biso ou bien ezala ndenge nini. Expliquez nous parce que monsieur Fayulu en disant que il y a lingi ba réforme institutionnelle, il n'a pas expliqué nani ko sali sa biso pona ba réforme institutionnelle oyo. Parce que quand vous voyez na mboka na biso télécommunication ezali na ba paya. Ce que totali armée na maboka ba paya. Politique, ba ministre, na maboka bapaya. Administration publique, na maboka bapaya. Alors, nanya ko yako pe sabino ba element, ou yako sali sabino po, bo reforme ba institution. So ki kaka bapaya wana, bako pe sabino ba element moko erone, bako yako ebi sabino par exemple, Kabila e Congolais. So ki to reforme, armé, Kabila loko laza sou présidente, ba longolie, ba benganiye, donc Kabila peut revenir militaire, le col azala qui général, tout réformer armée na biso, on donne Kabila armée terrestre à chapeauter ango parce qu'il est congolais. Bakoye bisabino, Minembwe il faut ezala commune à part entière, Minembwe il faut ezala autonome parce que bana Minembwe bango bato ba proposer et pourtant nani azo proposer boye ezali Azarias Rubero mutazali ko proposer. Donc, vous laissez ces réformes institutionnelles avec des gens comme Rouberoua à l'intérieur, avec des gens comme Runiabugaro à l'intérieur, avec des Bizimakara, et vous croyez que ces Congo, les institutions de ces Congo seront réformées? Est-ce que vous allez sérieux? Non, ce que je demande à l'Église catholique, ce qui vous allez sérieux, c'est de faire pression d'abord de libérer les Congo. Réforme institutionnelle. Population congolaise, to yebite exact nombre ya batu to zali. Il y a de ceux qui disent 80 millions, il y a de ceux qui disent 90 millions, il y a de ceux qui disent 100 millions. Personne ne connaît jusqu'à aujourd'hui ba congolais to zali combien. Personne aujourd'hui a yebi nani azali congolais, nani azali congolais te. Ces gens oyo baye ko envahir biso. Ils ont commencé d'abord par nous priver ba carte d'identité. Bato babandai ko sepela Kabila, Laurent Désiré Kabila era yé avec ses Rwandais. Bato bazo passola ba carte pour citoyen Mobutu Atika. Bato bazo sepela na tango bato babandai ko mona liboso, bazali ko ganga hey, bo passola ba carte d'identité wanate. Non. Kabila ko pesa ba carte d'identité msusu. Banda Kabila yati lelo. Nani azali na carte d'identité na mboka na biso? Réforme institutionnelle oyo boko sala. Boyebite bozali combien? Boyebite ki est congolais ki ne l'est pas? Tout le monde peut se présenter nazali congolais, bo recenseye. Bobimi si ba carte d'identité. Par la suite, rien ne change dans le pays. Statu quo, tout ça va continuer. Ba réforme ka mboka o ezali okipete. Ba libera kanano, ba bimisa kanano bo okipan. Par la suite, bo reforme mboka. Ce qui te lobby makambo ya ba carte d'identité. L'ange de promesse, notre idiot national, il vous a promis, na 2019, je pense, ce qui mémoire nanga ezali malamu, ezalaki na mois de mars, je pense. Il y a 2019, l'ange de promesse vous a dit, d'ici décembre 2020, Congolais nyonso akozala na carte d'identité biométrique. l'ange de promesse vous a dit, na mois ya mars 2019, à l'obaki d'ici décembre 2020, Congolais nyonso akozala na carte d'identité biométrique. Nanya tombola mosapike asi azui même formulaire ya pamba. Ya ko remplir po azwa carte d'identité wana. Atombola mosapi awa. Tomona. Mais azali toujours béton. Je disais donc namakambo oyo ya élection obasango baye ko bimisa. Je félicite kobima ya basango. Na même moment nazali ko condamner l'église catholique. Bazali réellement ko aider peuple congolais te. Depuis le Congo ezali Congo, l'église catholique n'aide pas les Congolais. Alors je me pose la question Yakotuna, pour qui roule l'église catholique? Parce qu'ils font semblant Yakoya ko salisa, Yakoya ko loba, Yakoya ko loba. À un certain moment balimwe. Peuple congolais abandonné. Na bandai ko lobela présidence nabino. Service à communication baye ko bima pona ko refiter makamba basango balingi élection et l'Obama kotanga kombo élection te. Je pense que mikolo oyo soki na balabala ya Kinshasa bien ya Mbujimayi ou bien ya Lubumbashi ou bien Kikwit soko lobi élection ok na prison. Ndenge bazalaka très sensible soki lobi kaka diplôme soki na tchetembe bato o bazali ko landanga na Kinshasa. Oyo alingi ko kende na susiat. Kende kaka na 10e rue limete ko lobelo ko msute. Loba kaka diplôme. Soko ke inda kuna yo. Loba ba angelo baza na yo. Soko lobi diplôme. Bango bazo tremble. Yo, jaloux, tribaliste, aîné, moto ya bandundu. Papa. Na lobi diplôme. Na lobi diplôme. Problème na yo ezani. Soko lobi diplôme, problème. Soko lobi élection, problème. Soko lobi premier docteur na droit, problème. Au juste, ezali na ba terme na mboka na biso, okoyiko utiliser ngote tant que Félix Azali et Sikawana. Ko utiliser ngote. Ezali tabou. Koloba makambo ya classe te. Koloba makambo ya diplôme te. Koloba makambo ya élection te. Koloba komba Paul Kagame te. Soki yo meki, oza na problème. Même présidence, la même présidence de la République, oyo baye ko bima. Ba foudroyé basango. Ba pandi basango. To ya komona. Un autre homme de tribu. Kasongo mwema yamba yama. Aye ko contredire la direction à communication ya présidence. Bozo mona. Que basala ka stage. Na présidence te. Ezali na ba fonction. Ezali na ba institution. Moussousou, na ba mboka. Ba yaka po na ko sala stage te. Ba yaka po na ko apprendre te. Parce que ezali na ba institution. Loko la présidence de la République. Loko la parlement. Loko la armée. Ba yaka po na ko sala stage te. Parce que ezali ko tia mboka mubimba na risque mboka ko sakana te. C'est dangereux. Et ça y est, le coup la moto, stagiaire, va passer avion, long courrier, et le roi Kinshasa, et qui est à New York. Un stagiaire, Yemoko, d'abord. Nané remat avion. Wana. Président de la République, Ezali et Loko, qui se prépare. Bapaya nyoso à Congo, ou bamboka nyoso à Bapaya. Ce qui va yokike, Félix Tshisekedi, Azali Moine et John Tshisekedi, il a évolué na côté à Papa Naye, il a évolué pendant 37 ans na côté à Papa Naye. Batou nyoso Bapaya nyoso à Congo, Bazali na assurance que oui, c'est un monsieur qui s'est préparé pour na pouvoir. Parce que 37 ans, il y a opposition. Moutouana soit à lui pouvoir. Berrer est qu'on y parce que c'est humain. Mais il y a un erreur moko fatalité. Hélas, quelqu'un qui est né dans le monde, il y a un politicien, il y a 37 ans, il y a soi-disant opposition. Azala ki wana po alia. Azala ki wana po amoni bangoyika sanjibaye dans Bongo à Diamant. Elle bazwa ko pesa papa na ye, ye pe ba pesa ye moi quelque chose. Azala ki wana soki amoni batatu o baba na ko timo na diama ba ye na Kinshasa, ba pesi papa na ye, ye pe ba pesa quelque chose. Azala ki wana soki ayoki mubutu atindi quelques cartons et pa ya mvundwa we, ake ne ko pesa Tshisekedi sekedi, ye soka moni ba carton wana a soutirer quelques balias. Il n'était pas là pour aye ba politique ezala kandenge nini, ba sala kandenge nini, oyo ba sala kandenge nini. Preuve yangoyo. Preuve yangoyo. Depuis Azali wana, qu'est-ce qu'il a fait pour sentir que oui, et loko oyo, et woti na moutou oyo penza, sala ki 37 ans na opposition, s'est préparé pour le pouvoir. Et loko nini. Botange langa mi balete, moko kaka. Et loko nini. Lelo président se bimi et lobby non ba sango bazan a raison te ba ko lobela makambo élection te pourquoi ba lobeli boyé ezali tabou ba sango o bazaba ba faux sango ba sango kipe vous na makambo na bino ya ba sultan o etali bino te kaka même présidence ayez ko bimali susu na communiquer mususu ko contredire bango moko la présidence qui contredit la présidence. Bozomo na stage na sommet de l'État. Na ebisa ki bino ke kasongo mema yama yama na mkolo Félix anoma ki ye. Na ebisa ki bino ke ezali un fruit o ezali malamu ba ye okotsa na bambuma o epola. Kasongo mema akopola. Bandeko o balandanga mkolo wana soki bazali awa bako yuko temwanye. Je vous ai dit ça. Kasongo mwema yamba yamba lokola ba nome ye. Batu nyoso ba nekolo ba fachi beton. Kasongo azani mayele. Kasongo boye. Na ibisa kibino kasongo ako sa lelo ko moko te. Lelo to suki wapi. Lelo to suki wapi. Ki san a la présidente de la République ke ya un kasongo mwema yamba yamba. Nana zali ko sentir yango. La foutaise. La communication a président. La foutaise, même moutoua sa la communication te, a komona ki en tout cas na présidence communication, zéro. Ba okende ko zwa boudia diana bango ba photo. Biso to zalakate isi ka Félix akendaka. Ba ko zwa ye ba photo azali ko liya biloko libanda. Bango moko ba ye ba tiango na public. Biso so to zuto publie. Ba milouvor nyon so ba niko finga biso. O liye ba finga, batu oyo ba tambo la kanda Félix, batu oyo ba kangara Félix ba foto, batu oyo ba piblika ba foto a Félix, bango ba zo finga biso ba to zo rekipere na présidence, so ki to piblika ango, sa devient un problème. Tribaliste, jaloux, aîné, moutabandundu, mouyaka, faux professeur, cuisinier. Bande kobino bo kanisi ke batu oyo ba loba. Na repeta ke loko oyo. Batu oyo ba loba ke. Bako yiko pesa pouvoir na mouluba te. Bino bo kanisi batu wana bazala ki ba bolole. Bino bokanti ke bato wana bazalaki mabolole. Bobomba, bozala ba hypocrite, c'est votre problème. Bozala ba hypocrite, bolo bakango na ba chambre, nan koukou. Na tango moni bandeko oyo, ozo sala semblant. Ndeko, toza biso la biso ba congolais, nous sommes ini. Bozala problème te. Bino bozala bino problème te. Molo ba liaka na motunyo, so motunyo sa tchaka liboko. Molo ba soka azolia, motunyo sa tchaka liboko. Molo ba soka azolia, motunyo sa tchaka liboko. Molo ba soka azolia, motunyo sa tchaka liboko, eza molo ba. Moluba soki azali kolia, muta chaka liboko eza moluba. Banani na bakate na biso to vandi na baville, Kinshasa partout. Baluba soki bazali kolia pondu, ba voisin nzala. Soki ba yeba benga abangoma nene, ba senji. Bobima ba senji. Bobima ba senji. Nana yebi yangote. Pourquoi ba kongole bozali ba hypocrite? Bozali kosali sabande kona biso te. Baza bande kona biso, tozali ba kongole, oui, baza bande kona biso, me baza na ba comportement moko yamabe. Kongole a yebi yango, me kongole azali hypocrite. Mboka na biso tribalisme, zate, wana makamba lukuta, wanduba, wale baba vivra na batu nyoso, tozali, tozali. Na kakye bo yebi makamba nate. Batu baliaka na batu nyoso, ezali bangala. Batu baliaka na batu nyoso na Congo. Ezali batu ya bandundu penzate. Ezali batu ya este penzate. Ezali ba Congo penzate. Batu baliaka na batu nyoso na Congo na biso ezali bangala. Mungala soki ezali na mbongo. D'abord, ndako bangala, batu bayake bele. Uyoka pesa mbongo na ngai, pesa mbongo na ngai, bayake bele. Po bokulaka, bokulaka. Azana bozwi, batu nyoso bayaka. Mungala ntango bazali kolia, o azak oleka. Yako tia liboko, yako lia, yako lia. Mulu bate? Mulu basoke azali kolia, batu batiaka liboko, bandeko na ye baluba. Batu msusu te? Batu msusu babenga bango basenzi. Alors, cessez d'être hypocrite. Si réellement bolingi bandeko na biso, si réellement bolingi Congo, botika kozala ba hypocrite, ndeko soki azali na mabe, bandeko soki bazali na mabe, il faut koloba yango, biso bato, na lobitika bato bando no bazali malamu. Parmi ba province o bato bazali na bizaleli ya mabe, mingi so tali. Kasai bato bandundu, pardon, Kasai baluba, bato bandundu. Bato bandundu ba traître. Biso oyo ndenge tozali koloba boye. Ngana yebi très bien que soyi na tambo na balabala, baluba bakangi ngai. Bako betanga moto bandundu ya kote na ngazate. Bato bandundu bazali koloba ya mpangi, yoke pilina, kwenda po pilina mpangi, ngwasi tuba po pilina tubila bo, bantu aboke wave tubila bo. Me soki bakangi ngai. Ndenge ba promettre nga bako buka nga minu. Soki bakainga, moto bandundu na kote langa te na yebi. Mutabandu ndo azali traître, hypocrite. Traître, hypocrite, complexé. Na yebi yango. Je ne dis pas que batobandu ndo bazali malam. E na yebi sakabino, batu oyo ba bebi simbo kanabiso na au niveau politique. Batu ba bebisi mboka na biso au niveau politique ezali Kasai ezali Bandundu. Kasai na Tshisekedi wa mulumba na bango. Un escroc. Bandundu na Gizenga na bango un escroc. Gizenga na Tshisekedi bayeko inclique batu ba province na bango, bango bazali ba spéciaux. Bazali très intelligent. Bazali juste après Nzambe zali bango Gizenga limwaka Gizenga salaka boye ye muta kenda na livre d'or Gizenga leki batnos na mayele Gizenga boye et puta Gizenga na rishi kota kenda ki ne faisait que dormir Amonia linga kufa azonga na mboka na mboka na yake ndobaki ne ukunde na mboka na ye il a trahi livre d'or akenda nango gizenga kufa atiki livre d'or epa nani wapi livre d'or mokoyoka batabandu ndona nyoso mbuta gizenga lobi mbuta gizenga lala kate mbuta gizenga mtu akoyiko sale lokote Laurent Désiré Kabila ko sale lokote Kabila lobi ya kanga munoko na yo abandi ko loba Kabila tinda basoda na butu bato batabandu ndu bakengelaka ba beau-frère na ngai ba pende balala ka libanda mbule zo betela bango libanda gizenga zo lala pongi ayebisa bango ya lala pongi te nzoka de abandai ko cha radio moko riche bazolo bana riche ya lali ba sentinelle libanda bazo kanisa ke non asolola na telephone na ba riche alala ka jamais nzoka de gizenga a ronfla na chambre na ye bango ba garde baza kota porte musika bazo mona te gizenga lala kate Kabila era tinda basoda bakende ko luka gizenga ba beta ye ba buka ye lino batu ba yebate ngana yeba yango parce que cette époque Mama ya bana na ngai na ibisa kabino ndeko ya gizenga ezali ya ko lukate peut-être cousin ya musika boye te ba pende nyonso soki ba uti ko lala na epa gizenga bazozonga kingasani ba bane ko leke pa na ngai na njili mwasi na nga alambeli bango ti ba meli après ba kei soki ba ye ko melati ba ye ko melati ya pamba te yoka masolo ya gizenga ngai wana mutu ezo vimba ezo mukolo mususu na bengana bango bo yaka lisusu te o eza parti ndaku ya palute gizenga kufile lo kese gizenga lese ndenge moko na Tshisekedi un abruti feneya intellectuel premier docteur à droit baluba nyoso premier docteur à droit azali mayele Tshisekedi wa mulumba premier docteur en droit. Ezali docteur honoris ou bien quel docteur? Ce que Zala qui docteur honoris, ça va. Donc la Kabila Zali docteur. Honoris, Ezali docteur, doctorat académique. Au Salim Moussalam, Batouba Monique, au Salim Moussalam Alamo, bon, jugement, c'est à discuter. Ezala Mboa, soit sauvé Moutou. Mboa, bako yiko pesa yé diplôme, y a docteur honoris. Ezali titre à reconnaissance, ba PCO. Je pense que c'est ce que Tshisekedi wa mulumba azalaki nango. Mais ce qu'on lobi docteur académique, alors, vous devez écrire to mona nano docteur mokote na monde oyo banda monde ezali monde na système solaire oyo to mona nano docteur académique te o akomata phrase mokote. To mona nano te. Parce qu'avant de devenir docteur, il faut défendre. Pour défendre, il faut chercher. Découverte na yo, vous exposez na monde scientifique, ba tout niyo ba question, au satisfaire bango, ba ndimi yo, ba zui diplôme wana, ya docteur, ba pesi yo. Alors, au docteur na droit, premier docteur na droit, ndengenini, akoma thèse te, akoma livre te, akoma phrase te, soki na kosi, komelanga phrase Etienne Tshisekedi akoma, banda zwa diplôme ya doctorat, ti ake kokufa, ake lifelo, bo komelanga phrase Etienne Tshisekedi akoma, mi balete, une phrase ici. Une phrase scientifique. Beaucoup me l'ont dit. Voilà. Les deux messieurs ont détruit la société au niveau politique. La province est sous le côté de la côte. Au côté de la Palou. Au côté de la Udepes. Mais ce sont des gens qui ont détruit le peuple de la Bota la présidence. Pouvez-vous croire? Parce que présidence, c'est ali excellence. Pourquoi on dit que cacophonie est qu'on est président de la République? Oyo babimi baloubiboy. Oyo boyete. Bon, on a qui liwa l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie. La présidence dit autre chose. Le ministre IDPS à l'intérieur dit autre chose. Lelo na tongo ba wangani, la mission de cet ambassadeur est là qui konite. L'ambassade d'Italie vient avec une contre-pièce. L'ambassadeur a bien informé le ministère des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, Mama Coco, elle est sortie elle-même que mission y a ambassadeur y a Italie à l'est de notre pays. Yé a yé baki yangote. Ministère affaires étrangères yé baki yangote. Ambassade yé kobimi sa lettre. Que oui, il y a une lettre adressée dans le ministère des Affaires étrangères. Ministre Wangani, ambassade yé na lettre ya ministère, n'a pas caché ya réception ya ministère ya affaires étrangères. Ministre a lobé loko msousou. Ya affaires étrangères a lobé loko msousou. Ministre intérieur yé kobima. A contredire le komsusu na tongo, na poko nango, ba yeko zonga le susu balobi, ba contredire oyo balobaki na tongo. Est-ce que, question maintenant au tokoyi kotuna, qu'est-ce que Etienne Tshisekedi a enseigné à l'IDEPES pendant 37 ans? Bozomo na kezala ki lukuta. Etienne Tshisekedi n'était pas un intellectuel. Ba Congolais et loko, ma be ya biso ba Congolais. Na repeta ke loko yo, ma be ya ba Congolais. Soi Congolais a yo ki kaka moutou azo lo ba Français. Moutou wana zali intelligent, c'est tout pour les Congolais. Le fait de parler français, vous êtes intelligent. C'est tout pour les Congolais. Yaka na yo loba chinois, loba japonais, loba mongolien, loba mounokono soko loba. Soko lobi français te, ozali mayele te. C'est ça. Oyo ba Congolais, ba tu yi depes, ba milouvor, ba zoye bisabino pona Félix. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un Mongol français. Parce que ba Mongol na monde, nous sommes Mongol, ba botamaka, na déficience intellectuelle. Vous pouvez prendre un Mongol français ou un Mongol belge ou un Mongol suisse. Vous l'amenez au Congo. Congolais, nous sommes Kolobaza Mayele. Pourquoi? Parce que zolo ba français. E na yebi saka, bande konabiso na diaspora, ou ba vandi na diaspora, tozo bota bana na diaspora, faites attention, bo luka moyen bana na bino, même bozaï na ba pays anglophone, même bozaï na ba pays ou ba lobaka français te. Faites attention, bo luka moyen même ba cours d'histoire, bana na bino ba landa yango ya français, baza na moa compréhension ata mouke ya français. Po bana na bino, bo yeba yango, bana na bino, même azui diplôme ya docteur, eza la zali professeur na mboka ou az, bozaï na diaspora. Soki mboka wana balobaka français te mwana bino so akena Congo burique burique burique po azolo ba français te burique Etienne Tshisekedi wa Mulumba était un burique nazo répété yango parce que bayebaka muto mayele na ba résultat musala na ye lelo Etienne Tshisekedi akufi. Voyez-vous l'UDPS, Oya Kiki, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Tozo mona batuloko la ba Mandela. Mandela na viva na ye tozo mona ye. Et soki botali Mandela. Mandela so azala na Congo. Pour n'avoir Congolais Mandela, l'ingaz de la moto maïe l'été. Pourquoi? Ce qui vous l'a Mandela, Zoloba, anglais à Mandela. Mandela n'était pas éloquent. Na langue. Mandela, c'est là qui est éloquent. Mais il était intelligent. Bah, sud-africain, bah, yébi. Même si c'est là qui est éloquent. Mandela était intelligent. Mandela l'a démontré. Na maloba, na ba écrit, il a démontré. Mandela koufi, batuba moni misala ya Mandela, libanda ya mboka, na kati Afrique du Sud. Bola kisanga misala ya Tshisekedi, na mboka na biso. Bola kisanga misala na ye, ke no akufi, tala misala tiki yangoyo. Quand vous prenez, oyu atiki na IDEPES, mawa mingi. Ce que vous avez côté, comme il s'agit docteur, premier docteur na droit, mawa mingi. Mais oya komona, vous savez, écrire, hein? Botuna batu loko la ba Patrick Mbeko, demande kouloutu na biso Noreng Banda, bango batu ba komaga mingi. Kokoma eleki bilanga na pasi. kokoma eleki bilanga na page. So bo moni ndeko na bino akomi ata mwa livre moko. Ata ya ba page 10. Parce que ba komakate o lali o lamo ikaka bo yonzu biki na papi o bandi kokoma ba, o publie livre. Non. Kokome zali bilanga, recherche zali bilanga. Parce que o yebi trebe ki makambunga na zali kokoma. Batu ba ya o kontredir yango soki na zo koma avec esprit critique te. Moutou moussousou ye moka komi bimisa. Na situation ou a zalaki par exemple. A koma eloko moko ezala standard. Azala na pati prite. Bilanga, kokomele ki bilanga na pasi. Voilà. Tshisekedi a koka kite. A koka kite. Tshisekedi a moulumba a choisi la facilité. L'escroquerie. Kokosa, kadiosha, lukuta. Naza premier docteur à droit. Wow, kasa ignoso. Premier docteur à droit. Kasa ye moko tatika liko demande. Oui. Toutou et toi, le bien, à sa première docteur à droit. Mais quand même, bon, là, qui s'abuse au pétro talaté, tout à la coma qui n'y n'y pour comme premier docteur à droit. Même après qu'on peut s'aider diplôme, wana, il a écrit quoi? Parce que, bah, docteur, yako tanga, koloba na bango ezala na kokoma. Bah, docteur, ya classe yako tanga, maloba na bango ezala na kokoma, na ba papier. O tato mubimba banda banda. Premier docteur adwa, ti a ye kukufa, to moni ata phrase mokote. Na vandia nazo zela phrase, nazo mona ngote. Alors, wani futo zela jezi ya ya. To ya kou ta phrase. Alors, tozo koumisa ye premier docteur adwa, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a prouvé? Oh non, démocratie. Mais la démocratie na bichu zati, et tiens, c'est ce que doa moulou mbate. Voyez bi simon kimbango. Non, c'est lui qui a lutté pour la démocratie. Le lo yozo loba, démocratie, ce qui y était, mais le yozo loba. Lukuta mi yibi. Simon ki mbangu na tango a banda ki ko lutté pour la liberté na biso. Tu sais que des ala kwati. Bampolo, erbazo lutté pour la démocratie en mboka na biso. Tu sais que des ala kwati. Babolia, erbazo ko lutté pour la démocratie na mboka na biso. Tu sais que des ala kwati. Azali père la démocratie. Ye mouta banda. Abanda mkolonini. Abanda mkolonini. Il est né avant Kimbangu. Il est né avec avant Bampolo. Et Congolais azali kondima lukuta wana. Azali kondima yango. Et komipe vérité ezali kotambola. Oui, ezali ye. Oui, c'est pas lui. UDPS R ezala ki ini ba province Nyonso. Les travailleurs ba yebani ba travailleurs ezala ki baliaou ba travailleurs ba yebani ba zala ki bambwankem ba travailleurs ba zala ki makibasa Tshisekedi ne faisait rien. Tshisekedi eloko etinda ki ke bato ba yaka pembe na ye mbongo mo patas soki ba milouvor nyoso ba timoli ba jama ba timoli ba jama ba timoli ba timoli ba ye na mbongo na limete okoyoka ya un gars là qui avait des avions là azali na ba avion ebele businessman na yoka yesu te peut-être akufa. Azaka na ba avion mingi bana ko desene Kinshasa Mbunji Mayi makamba diama c'est un louba la gars la zaki na mbogo ebele voilà bato bane ko financer alors bato wana tellement bat liawo était un professeur bazaki na mbongo penza mingi te alors babane ko ko se réunir et pas ya Tshisekedi parce que Tshisekedi avait facilité quand même ceux qui baillent bas son bas papier ceux qui baillent bas micro ceux qui baillent boyer moi transport bas voilà ce qui a fait que bas tout baya qu'on se réunir permet la Tshisekedi n'avait pas un cerveau y a bilo qu'on y a sur IDPS ça va n'est comme ça jamais mobilisation na IDPS ce n'était pas Tshisekedi mobilisation na IDPS c'est là qui bas tout oh y a quatre sous qui loco la Samsung Olengankoi na na yebi signature y Olengankoi t mobilisation est là qui Tshisekedi. Alors tout ça batoua na nyonso ba liaou baki basa bambwankiem tout ça batou nyonso mobilisation ba olenga nkoyi wana na mobilisation tout eli moi et comme kaka Tshisekedi wa molumba yende mutabane ko mobiliser ye mutabane lukuta. Alors maintenant il est mort, prouvez nous qu'est-ce qu'il a fait. Bisho batozali ko tangisa pe quand même boyebi ndenge to nalobaka nazali parmi bato oyo na monde bazali kolite relation internationale ezala libérée. Relation internationale ezali dominée par les Américains, par les Anglo-Saxons. Tozali kolite ke Afrique pe ezwa position wana. Yango bozo mona er mususu, na koyi kozwa livre ya ndeko na biso Patrick Mbeko, na kozwa livre ya kulutu na biso Honoré Mbanda, na inclure yango pour que même batu mususu be étudiant tango bazali kokoma, mutu era komona quelque part, bon, qu'est-ce qu'on a cité là? Ah, c'est un livre écrit par qui? Écrit par qui? Monsieur Honoré Mbanda. C'est qui ça? Référence wana, aluki lisusu ayeba auteur wana. Natango kolokote Rwanda avec on découvrir que non les Africains aussi écrivent, les Congolais aussi écrivent. Alors bon pesa biso makambo etien tu sais dire comment to koti sango na académie pour que to meka ko faire citer yango na ba travaux ya ba étudiants na biso musala etien tu sais dire et monana que voilà aloba ki boya koma ki boya koma ki eza na malobate père à démocratie, prouvez-le qu'il est père de la démocratie, scientifiquement prouvez-le, mutu ba ko prouver yango te. Personne ne peut me prouver scientifiquement que Etienne Tshisekedi est le père de la démocratie dans le Congo. D'abord, une fausseté scientifique, mboka oyo démocratie ezalité. Mais comment on peut trouver un père ya démocratie? Mboka démocratie ezaté. Mais tozali na père ya démocratie. Étonnant, ce père ya démocratie pe na kati ya parti na ye, sini moko démocratie ezalaki te. Ye moko président à vie, ti ya kufia keli felo, président à vie. Élection elekate. Mwana na ye a ye semblant élection ba yebi moutou nyonso ayebi ke ye moutou bako vote. So vote ete obimi libanda babuki omino. Nana yebi yango te. Mukolo bayaki ko vote Félix ke non, ye azala a remplacer papa na ye. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait voter contre Félix na limité na 10e ri abimape mobimba minu nyo sezali azonga nanda kuna ye nani atombola musapi nani atombola musapi voilà père ya démocratie mama mingi ya tokene ko silisa na candidature ya Congo na conseil ya sécurité ya Nations Unies. Mes chers amis, er mususu futo yokaka pe soni. Oui, Congo ezali ko mérité azwa même position wana. Mais la question qu'on se pose, qui représente le Congo pour que biso ba Congolais to appuyer candidature ya Congo na conseil il y a sécurité des Nations Unies. Quelqu'un qui est au pouvoir par la volonté d'une personne, par élection, quelqu'un qui dirige le pays par un deal, par constitution, Moutou Oyo, classe mon boulot, mais ma bêtise, n'a biso bozo, n'a biso to. Et ça n'a qu'à famille. Tout même à Libanda. Je vous assure, en Afrique, dans l'Union africaine, et si Félix Azali, si réellement il y a une réunion où le président doit présider, s'il y a une réunion technique que le président de l'Union africaine, il faut y avoir présidé, franchement, les Congolais n'ont son amende de Tokobatama. Parce que bande kona bango o bazan union africaine na tango bako yoka Félix ba okena banda kuna bango bako yebisa ba famille na bango ke to uti ko mona mongol moko kuna makamba lobi na réunion wana impossible ba congolais to ko batama e boni ko zo abuzo ba wana bo memango na conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que Félix va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que monsieur Félix Azali danger, je vous dis toujours, monsieur Félix Azali est un monsieur oui. Ce qui m'a mis dans le conseil de la sécurité des Nations Unies, et si vous que le Rwanda est en train d'appuyer Félix, Félix pour que le Congo ait sa position. Pourquoi? Rwanda a un agenda pour le Congo. A déjà Félix. Mais il y a Félix qui a occupé. banda bakangi kabila banda batinda kabila na exil Félix azomona document wana dossier wana ya minembwete. Alors le Rwanda asali a aidé Félix na tour de rôle ndenge zali boye Félix a komi président de l'Union africaine ezali acquis pour na Rwanda. Au niveau national, Kagame maîtrise Félix. Au niveau sous-régional, donc, il y a Afrique, Kagame maîtrise Félix. Parce que R. Félix a eu le pouvoir, Kagame communiquer qu'on a la présidence na Bango, que le Rwanda va aider le président congolais Félix la présidence na l'Union africaine. A quoi aider Félix Nani? Rwanda a aidé Congo. C'est comme un lion a ABCB, moi, dans Mboloko à Tikali. Non, papa, mboloko kende bilanga, kende ko luka. Maman, mboloko kende ko luka. Tika mwane pa nanga lion, nako, je prendrai soin de lui. Est-ce que vous croyez à ce lion? Et maintenant, Kagame est en train d'appuyer Félix pour la candidature na ya Congo, na conseil ya sécurité des Nations Unies, juste pour Kagame siko asphyxie Congo. Au niveau de la sécurité, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies. Kagame va faire accepter Félix des bêtises. Ndima et Lokoboy. Au niveau sous-régional et Afrique, Kagame va faire accepter Félix Ndima et Lokoboy. Au niveau national, Félix de Rassia Banda. Banya Moulenge, Bazali, Bande Konabiso. Wow, béton, béton, béton. Banya Moulenge, Bazali, Ba Congolais. Wow, béton, béton. Et Boyako se retrouvait un jour indépendance, autonomie, ya Minembwe. Ce qui va vu Minembwe, lobby Royo va revendiquer, ma belle moussous et Zaline n'a pas mené Minembwe. Bazali qu'on continue, Bazali qu'on continue, Tiboyako Mona, nous sommes encerclés. Indépendance. Mboka na biso na situation o ezali lelo, ezali mboka oyo to ifu botia na tete ya mboka, mutu oyo azali na kobanga te. Mutu oyo ayebi ke soki ba tche na tche. Soki ba lobi na lobi. Soki ba nyati na nyati. Soki ba kosoli na kosoli. Ezali en wiwi te. Ezali en wiwi te. Au départ, Mongol. Ba Mongol bandi makatu. Mongol oliaki, hein, olia, hein. Oliaki te, hein. Ogoya, hein, ogosala boye, hein. Mongol alobakate te, na kosala boye te. Alobakate, oui, oui. Parce qu'a yebi ki, azan na kompetansi ya kobunda, na batouana te. Félix peut discuter avec Kagame. Abi m'appelle libanda na Kagame, na résultat que oui, j'ai discuté avec Kagame, voici ce que j'ai arraché. Et le konin. Boko menangata moko, mi balete moko. Boko manata. Félix peut discuter avec Museveni. Félix peut discuter avec le président angolais. Boye bisanga président nini na Afrique ou ba pays limitrophe ya Congo nyonso. Boye bisanga quel président Félix peut kovanda na ye boye sans conseiller à discuter, à arracher quelque chose. Parce que tous ces 9 pays autour de Bango limitrophe, à part le Congo Brazzaville, tous ces pays revendiquent ma belle nation na Congo. Boye bisanga na ba pays au nyo se tikali. Quel pays, quel président Félix peut faire face lelo? Batona soki ba meki ko tchata li kolon territoire na biso lobi na tongo ba bini. Mobutu azalaki soki bo kosoli ezala par ba marionette na bino. Bokoti lelo mobutu alati soko to azali kuna lobi na tongo. Azali kuna. Boye bisanga pays nini limitrophe ya mboka na biso. Bon, toke ndepe na niveau ba pays te, ba citoyen ba pays limitrophe a mboka na biso. Boye bisanga Félix akoyiko kosola na citoyen nini. Bomoni na Zambi. Batu baye kokota, bazui ba mboka. E komi ba bonde la. Me, lelo ngayi soki na kekota na mboka batu sans visa. Soki ba kangi ngayi na zana ba kraka. Soki ba kainga na zana prison. Boye bi combien de Congolais oyo bazali na prison na Rwanda. Boye ba Congolais combien bazali na prison na Rwanda. Citez-moi un Rwandais ou bazali na prison na Congo. Botangena na kombo naye. Moko kakami balete. Moko. Un Rwandais emprisonné au Congo. Pour akota ki na Congo illégalement. Mais vous voyez combien de Congolais ont bakota na Rwanda sans autorisation bazana prison. Ba refoula bangote mais bazana prison. Voilà. Freddy a lobby Kamere. Kamere soki na makala, Kamere azana makala. Kamere azana makala. Kamere chez lui à la maison. Maman o ayiba ki miliki lele. 250 millilitres, je pense. Maman wana azana prison. Kamere azana ndako et panaye. Alors, oyo nyonso, mes chers amis, ezali biso ba Congolais. Mboka na biso e komi, moto nyonso akoya a pesi ordre, moto nyonso akoya kosala n'importe quoi. Ezali nde faute na biso ba Congolais. Seul pays na monde oyo akoki kondima ba bêtises a boye. Arrangement ya élection. L'Assemblée nationale. Congolais nyonso ayebi ke batola nyonso baye na union sacrée, baye na union sacrée te baya ki pona mbongo. Corruption, $15,000 par député. Avant-hier, vous avez entendu, ba député bango moko ba crier, ba sénateur baza na hôtel moko soyi kote ya di fleuve, soyi kote nini. Chaque sénateur azali ko zwa $10,000, $10,000, $10,000. Tout le monde ayebi, procureur na bino ayebi. Ben inspecteur nabino ba yebi ke kuna na hotel bazali ko corrompre ba sénateur $10,000 $10,000 sen député ba bimi na télévision bango moko ngai na kenda ki ba pesinga 15000 ngai na kenda ki ba pesinga 50000 procureur de la république azo yoka un député ki di poto kende ko voter le gouvernement la présidence m'a donné $15,000 procureur azali ko yoka mais tellement makila muluba akangi matoi. Oyo mboka ndengini. Mokolo moko te Congolais ako yiko la mokalo bino. Non, trop c'est trop. Ba zwili bino président ya Mongol, ba tchele bino. Tout le monde a yebi yango. Moutou nyo sa yebi, même na sa mitema, même o ba yaka balo baka Fatibe, ba yebi na sa mitema. Ke franchement Fatibe, azali mouto, nako pese exemple na famille nangate, nako pese exemple na bana nangate, mais Fatibe, pourquoi? Parce que Fatibe a sa tribu. Tribu est quoi yate? Histoire est loba. Un jour, tribu n'a bisopé bazoaka pouvoir. Voilà les problèmes avec Fatibe. Et l'eau comme soussouté. Ndeko moko ta koi koya awa ba obaganga Fatibe. Aya awa loba ke oui. Ngai na benga ka Fatibe. Pone loko boyazali vraiment béton. Exacte. Fatibe ezali parce que azali moto ya tribu, c'est tout. Azala mongol te Fatibe. Ministre ya Fatibe ya santé. Na mboka nini busibo mona bampangi ya Vincent bande ko nangai. Na mboka nini bomona un ministre qui fait 2 ans. A salier le côté. Ministre na yena lukuta. Je parle à ministre Nabino ya santé, Eteni. Makanisipe Eteni. Ministre oyo COVID era bandi a yena lukuta. Akanga batu yangani, o baza kutatana kosu kosute, atya bango quelque part, pour que o mes ba pesa bango mbongo, na Congo COVID ezali. Batona babima bango moko, bosibo mona moto aza na COVID, na hôpital, place bakangiye, avant de kuna mouta COVID, azobe ya na fenêtre ke tozo liya 3 fois te. Batu baza na COVID na hôpital baliaka. Baza na basonde. Mais ministre oyo, ya Félix, ya UDPS, akangi batu, atye bango na kate ya sal. Batona bazobe ya na ba fenêtre ke tozo liya te nzala. Baza na COVID. Bosibo mona na mboka ni na monde oyo mes chers amis. Un ministre qui a fait 2 ans. Oyo a prouvé eloko mokote. Mais azali ko sala propagande pour que ba reconduire ye. na moyi na butute na moyi tout le monde azali komona batu ya IDPS na ba banderole ya milai tozali kosenga gouvernement o ya union sacrée reconduction ya ministre Eteni ministre ya santé Eteni mutazali ko représenter biso na santé ye muta ya ye na changement na santé. Na 2 ans Eteni na ce changement moko te na santé masque ya pamba pesi ba congolais vaccin ya pamba ta dose moko asombele ba congolais mais tozo mona IDPS na ba banderole ya minene bozali ko wela nini parce que union sacrée eza ya béton na bino assemblée nationale ya béton na bino béton azali partout mais ceux qui étaient na bino azali moto ya un bon travailleur azali musala malam mais azali pe moto ya IDPS pa na bino moto azo sala gouvernement ezali béton na bino moto nommé alors bozo we la nini ba propagande ba banderole partout Eteni ba reconduire les ministres. Si réellement, bozali na ba bongo, mitou na binu ezali, l'UDPS na er bazo sala gouvernement, banane bazo sala gouvernement, ce n'est pas IDPS. Alors, un ministre de l'UDPS qui fait la propagande dehors, en dehors, ya cadre na bango ya masolo, pour que ba reconduire yé, bo mona yango wapi na monde. Vraiment, ce qui te le dit, toza ba tribaliste, toza ba jaloux, toza ba aîné. Oko mona na ba milouvor o ba vandi o yoka mousouzo na vandi na Canada. Mousouzo na vandi na États-Unis. Mousouzo na vandi na Belgique. Na vandi na France. 30 ans na France. 30 ans na Belgique. 40 ans na Canada. Mais ozo mona, moutou asali 30 ans na Canada, a yebi très bien. Comment est-ce que le sérieux ezali na Canada pour na konome ba ministre? Moutou o azo ganga ganga Fatibé. Et si Kavandi na Canada et loko ane koyiko salema jamais. Milouvor. Voilà, mes chers amis. Oto lingaki to loba pona lelo. Ezali wana. Ndenge to lobaka un idiot. Azali un idiot, deux idiots, bazali ba idiot mi balé, trois idiots, bazali ba idiot mi satou, mais ceux qui ba idiot ba komi 1 million, ezali parti politique. Ces partis politiques, c'est l'UDPS. L'UDPS est constitué des hommes et de femmes des tribus. Ces hommes et femmes des tribus sont des milouvores. Les Milouvor sont des citoyens congolais, génétiquement tshisekedisés, qui ne raisonnent que sur base de leur tribu. Bozali komona, bazali na pouvoir nyonso, babengani Kabila, mais bazo ganga kaka, bazo bloke biso. Nani azo bloke bino? Nani azo bloke bino? Parlement yabino. Sénat yabino, Union sacrée yabino, gouvernement yabino, Afrique yabino, bolingi pe kozwa conseil ya sécurité des Nations Unies yabino. Sikoyo nani azo bloqué bino. Banda Kabila kei. Mai vraiment boko fungola mai te. Atana bana kan luka pamba. Te bana kan luka te, kan luka bayaka. Kan luka te. Kan luka te. Batatu bazalanga mingi wapi? Na machine à sans fil. Machine à sans fil. Machine à Silisaki. Machine à sans fil. Vous voyez, machine à sans fil. Batatu baza ibele kuna pourquoi? Machine à sans fil, wana ezalaki concession ya poste. À l'époque, Mobutu asalaki erreur. Aye ko nommé Mouluba. Na poste. Ateka sans fil wana na baluba. Ba kata kata sans fil. Ngayi na kenda pona somba. Na yo waka na porte betwa. Tatali na sima. Na mimi pe neve nangate. Bo frère nanga. asom azwazwa mapango ake alobi chiluba ake a changer a memi mwasi na ye ake esusu na biro ana mwanetu azwi bakata kata sans fil wana et pourtant sans fil wana ezalaki réserve nationale ezalaki concession ya poste mais le lota sans fil ndenge koma tala sans fil ndenge koma bakabula sans fil wana na maloba ya tribi ngai témoin alors boye sa fati be banda bengani kabila ata vraiment battu a mai na sans fil akoyiko tchela binote akoyiko tchela binote mais non ezali na batu soki mutwana sale mandengo na naturellement a tabo forcé nature a kokokate a kokokate siko main libre tout et pas na bino inyo sacré ya bino tout ya bino qui bloque maintenant et comme ils sont basango mikoleleke o fayuru bloque oh di mikoleleke ba bade ko gaga la 10e rue c'est fayuru qui nous bloque alors lobi babandi non Eza 5 ans mouta zo bloke biso. Ti na 2023. Ego za la kaka chanson wana. On nous bloque. Bazo bloke biso. Non. Ce ne sont pas des travailleurs. Baza ben impressionniste. Voilà. Baza ben impressionniste. Baza ba travailleur te. So ki baza la ba travailleur. Congo nyoso. En tout cas, c'est le kasay linge za la développer après Katanga. Soki bande kona biso ba milouvor baza la kaba travailleur. Après Katanga, c'est le Kasai. Na ba ville, après Lubumbashi, Mbujimayi. Parce que ndenge ba renye po na diamant. Ndenge ba renye po na diamant na mboka na biso. Mbujimayi serait la très belle ville ya Congo. Mais bota la Mbujimayi. Baza ba travailleur, te. Baza ba viver. Ba viver moko kaka so atangi azu diplôme na kaboli kazali so atangi azu diplôme docteur azana master licencié diplôme kazali wana mbuya kotanga nango chibola kotanga nango bilomba kotanga nango nakosi na ebisa binote bofre na biso ayele biso mwamba na kikwiti tovanda boto monika atatu moko tala monene molayi pembe Loko la vidye chimanga. Ha mundele. Wala tozo banga mundele. Ahuti kasai. Bo frere ya beti biso eloka likolo. Ndenge bo moni ana. Azali licencié na mathématique. Hey, kele ko banga. Woye baka a mathématique. Hey, licencié na mathématique. Alors, yepe ake ba sombi le livre moka mathématique. Abanda ko tambole nango partout ko kena livre wana. Bo kena na wenja ke tala ndenge wenja ki kwite zalaka. Ye na livre na mathématique. Ah. O licencié mathématique ndenge ni. To kayi bisa professeur na bisa mathématique. Ba na pungu. To yisi professeur mathématique. Abi ya solo, mais aya ba engagé so aza licencié. Ah, biso bino, to kayi faut tester. Biso pe o mona kaka ba Saint Thomas ngana camarade nanga Adolphe toye la ye bof to za na cop mo fo pesa biso mbongo ava sera ya alamba biso mo kaka monika na quartier ti bayanke bana classe bo cotiser o aye na boyakena bo sombi fufu bo lambi na quartier bolé kolia pe na balabala cop mo ka fufu eza kuna bof condition ezali Moutou azana mbongo po apesa biso to somba fufu. Azana devoir na mathématique. Alors, yo to kende, osa la devoir na mathématique. Comme ça apesa biso mbongo. Moulumba banda kota gina toete, moulumba kimi moutou ayakate, abimakate. Oh. Ono na zoya. Oh, mais di, moutou azo zela, to zwa to lamba. Tozaki ba 10h un samedi Mulumba banda kotaki na toilette na zoya bozela nakasi biso to bongisi ba bic ba crayon ba gomme pour mathématiques erreur moko moi erreur gomme ezali Tato Mulumba banda kota ki na toilette, banda 10 heures. Mulumba ye ko bima 21 heures. Mulumba bungi. Nini? Mulumba yonde nini boy? Abenda nga pemena la bi, bon frère. Grand frère, en réalité, a yu sa ribino vérité te. Ndenge naza awa, eza diplôme d'état naza nangote. Et pourtant, a bengi singa na kasa ipo na ya. Na sa l'examen d'état, na zwa diplôme d'état, comme ça, ba luke langa moussala. Naza nanga licencié na mathématique te. Mukolo msuto ya komona di basalele diplôme ya, ya mathématique ya ISP ki kwit. Kombo na yeto ebi Mulumba. To ya komona kombo komi Chilomba. Diplôme ya na mathématique penza, diplôme mathématique gradué na université ya Kikwit. Deux semaines après, Mulumba komi na Kishasa. To yo kaono, Mulumba komi soki na administration ya hôpital mama yemo. Parce que grand frère na yemo sousa banay ko sala kona, azala ki administrateur. Akomi kuna ndegini, akomi kwa sala, aza gradue penza matematiki. Donc, Mulumba wana bande kwa sala na diplôme ya Chilomba. Na hebite Chilomba wana soki azalaka wapi, soki azalaka wapi, basa ila yedipo. C'est comme ça ils opèrent. C'est comme ça. Nana hebi yangote, ba kongole ba hypocrite. Merci, pona lelo. Boye bagape a bozoi sanga tata eza ya solo erba obuka nga minu bokote la kanga pete boye bi vérité boye sa bandeko na biso vérité oui toza bandeko mec bizaleli na bino penza eza malamu te bizaleli eza malamu te toza entre biso bo changer vous vous croyez être supérieur ya batu nyonso biso toza ba juif biso toza ba juif ba juif wapi bakufa kana nzala na mondo yo bomona wapi ba juif azokufa na nzala ba juif ya mondo bavandi lelo soko boyo ki groupe moko communauté ba juif na mboka moko boye bazana nzala monde ko ningana boye bake ba misu 5 ya monde misu 5 ya monde boye bi misu 5 ya monde batu basala chef politique bako iko yeba misu 5 ya monde batu badirija ka mondo yo. Ce sont des pays anglophones. Les cinq yeux du monde. Et ce que Tali Batouba domine comme monde, ce sont des juifs. Alors, communauté moro yaba juif bazo koufanzala. Monde vandi boy. Ah. Kaka bakanzaka ya pamba biso ba juif. Biso tozani ba juif. Mouluba ba mone la kayete. Mouluba ba koreko mone la yete. Nana zo mone la mouluba. Mouta mone la mouluba zate. Bino koutou batou bolongo, la soki bolongo province na bino boke province msousou. Koko mokomi lelo, un mois après, weli mabele à province wana. Qui vous avez vu déjà outi province msousou qui va na Kasai, ake neko weli mabele na Kasai? Nan, boutan gala nga kombonaye. Aujourd'hui, tout le monde peut aller dans le bandou, na village nanga bazali. Est-ce que moi aujourd'hui, je peux aller na Kasai? Lelo ngaye. Soi nan nina koufa. Nazo avion na kende Kasai. Lobi na tongo bogoyoka. Rip. Yombi. Félix peut aller à Kikwit. Kabunda était à Kikwit récemment. Est-ce que Fayulu peut aller à Mbujimayi? Fayulu. Ako kene Mbujimayi. Bozomona. Et ce sont eux qui viennent. Oh non, balingi bisote, balingi balubate, batribalis ya liboso ezali bango na Congo. Tout le monde connaît. Bandeko botika hypocrisie. Nazali ko senga na bino pardon botika hypocrisie. Boye sa bandeko na biso. Parce que na terre er bozo sa bango vérité te. Bozo ba vérité na kintueki. Ya ko bombana. Bazo ye bate. Boye sa bango ke na Congo na biso na batribi nyonso. Ce sont les luba qui sont tribalistes. Moluba soki ba tue quelque part. Tout le monde tourne à Yebaluba. Tout le monde tourne à Yebaluba. D'abé très bien histoire na Mboka Canada. Nzuzi Wambombo, ministre affaires sociales, contrat avec le gouvernement canadien. Ba Congolais, il faut ba kende. Nzuzi Wambombo a fait quoi? Sur les 200 personnes oyo gouvernement canadien a lobaki na contrat oyo il faut ba congolais ba ya 200 na Canada. Nzuzi wa Mbombo a recruté des loba na Kinshasa na Mbujimayi atinda bango na Canada. À cette époque. Na liste wana tout le monde a tia ba neve, ba noko, ba cousin, ba cousine, ba ndeko, ba camarade. Ya ba loba a tia bango na liste 200. Avion mubimba ba tonda ba zwa Air Zaïre na Kinshasa ba kenda ki na France, France ba transféré ba zwa Air Canadien ba kenda ki na Canada. Ba luba bangonios. Botala ba to Félix a tché na liste. Na régie des eaux. Tchongo Tchinkubula. Nane roya ko luba na régie des eaux. Tchongo Tchinkubula ke na régie des eaux mubuto a nommé ye. Ko banda mutu akombo la katili kolo baluba. Nana yebi angote. Kongole o yebi angote. E pourquoi hypocrisie? Pourquoi hypocrisie? Masina lobaki merci. Hein? Mot de la fête lobaki déjà mais. Kongo nabiso makambeza na toujours ebele. Merci. Na lobaki pona lelo. Je pense que Bokaboli vidéo na biso. Tozali kolité pour aussi sa tribalisme na mboka na biso. Nous avons maintenant un président le plus tribaliste du monde, népotiste tribaliste du monde. Azali na Congo, na misala tozo mona. Alors, merci Mingi. Botika malamu, oui, ndeko moko azo koma. Tozo mona ba luba ebele na Canada. Oui, soko tali batu oyo ba kongole oyo ba vanda, ba wumela na Canada. Tout le monde ba luba. Ils sont venus avec Nzuzi wa Mbombo. Ba koma, ba bota, ba bota, ba bota, ba bota, ba bota, ba panzana. Tribalisme. To luba ni. Mabe nyo zeza ba kongole. Ba hypocrite, ba farceur. Ba farceur. Allez. Botika la madame, mes chers amis. Nous sommes des sacrifiés, yamboka na biso. Ba ya ba buka minu, ba buka matoi, ba buka zolo, ba buka miso. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais essentiel, les alliés, que vous ba un jour, il y a un gars qui disait la vérité. Mais quand il y a peu, quand il y a beaucoup de gens, il y a peu, il faut que bon, on a bien. Voilà. Tokati wana, bandeko. Tokati, batumsu, peut-être, baza, ba live, bolanda bango. Et au revoir pour aujourd'hui. Bye bye.